de repères. On passe le temps avec ses amis. On s'amuse bien, la vie n'est pas finie. On va chanter au club de repères. Respirez, levez les mains, levez les bras et sautez. Respirez, pensez à rien, vous êtes là pour décontracter. On s'amuse bien au club de retraite. On est là pour passer le temps.